regarderez plus jamais votre brosse à dents de la même façon. Une nouvelle étude assez solide établit un lien entre la santé bucco-dentaire et la maladie d'Alzheimer. Et si l'urbanité était un démultiplicateur de l'évolution, plusieurs travaux montrent le lien entre l'adaptation d'espèces à l'environnement urbain à des échelles infiniment plus rapides que celles de l'évolution biologique naturelle. Et enfin, parmi les périls que l'humanité fait peser sur la planète, l'un des principaux est la surpopulation endémique. Pourtant, une équipe de chercheurs estime qu'à l'inverse des prévisions de l'ONU, l'humanité serait à l'aube d'une spectaculaire chute de sa population. Alzheimer et gencive, évolution en milieu urbain et déclin démographique, c'est le programme optimiste qui est le nôtre pour l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Déclin de la population ou non, tant qu'il y aura de la science, ils seront là pour vous en parler, quelle que soit d'ailleurs leur hygiène bucco-dentaire au demeurant, qui est par ailleurs irréprochable puisque je vérifie chaque émission à l'entrée du studio. Bonjour Olivier Lascar. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes et à tous. Red chef du pôle numérique de notre partenaire chéri, le magazine Science et Avenir. Bonjour Cécile Lestienne. Bonjour Nicolas, bonjour à tous. Directrice de la rédaction de Pour la Science et bonjour Blaise Mao. Bonjour Nicolas. Rédacteur en chef du magazine Ouzbek Erika. Lui a érigé l'hygiène bucco-dentaire au rang d'art et c'est avec une haleine irréprochable qu'il vient nous délivrer les dernières nouvelles de la science. C'est Antoine Beauchamp cette semaine pour le Journal des Sciences. Bonjour Antoine. Bonjour Nicolas, bonjour à toutes, bonjour à tous. Le Journal des Sciences. Et pour commencer ce journal, on revient sur une étude qui met en lumière une extinction sans précédent des espèces d'insectes. Oui, il s'agit du bilan de plusieurs études combinées menées pour la plupart en Europe, aux États-Unis et au Japon. Et le moins qu'on puisse dire, c'est que les estimations sont très inquiétantes. Francisco Sanchez-Bayo de l'Université de Sydney est le co-auteur de ce premier bilan mondial qui montre que l'extinction des insectes est plus rapide que celle des autres animaux. Il nous en dit plus sur les chiffres qui ont été établis par ce travail et sur les conséquences possibles de l'accélération de l'extinction. Des insectes. Environ 41% des insectes qu'on connaît sont en phase de déclin et un tiers d'entre eux sont menacés d'extinction. On a été plus loin et on a pris les chiffres de trois études différentes qui ont pris en compte la biomasse, c'est-à-dire la masse d'insectes présente à un endroit donné et sur un temps donné, et sur une période de 30 ans. Ces études révèlent une chute de 2,5% de la biomasse d'insectes chaque année. Si on extrapole ces chiffres, cela signifie que tous les 10 ans, la biomasse d'insectes chute de 25%. On peut donc logiquement penser que d'ici 100 ans, tous les insectes auront disparu. Parce que les insectes sont à la base de tous les écosystèmes. Ils remplissent des rôles essentiels. Par exemple, la pollinisation, environ 70% des fruits que nous mangeons ont besoin d'insectes pollinisateurs. C'est un rôle parmi d'autres. Un autre rôle très important, c'est le recyclage des nutriments dans les sols et dans l'eau, dont nous et les autres animaux avons besoin pour vivre. Par ailleurs, les insectes sont une source alimentaire essentielle pour la plupart des animaux, les oiseaux, les chauves-souris, les poissons, etc. Donc si tous ces insectes disparaissent, les autres animaux aussi disparaîtront. Voilà, ça c'est pour les conséquences. Qu'en est-il aujourd'hui des causes de cette disparition massive, Antoine ? Eh bien, sans surprise, ce sont les activités humaines. Francisco Sanchez-Bayo nous en dit plus sur la classification des causes qui provoquent la disparition des insectes. Et pour lui, maintenant que ces causes sont identifiées, il est temps d'agir. Nous avons divisé les causes de déclin des insectes en quatre groupes. La première et la plus importante cause de déclin des insectes semble être la disparition de leur habitat causée par l'agriculture, l'urbanisation et la déforestation. Ensuite, la pollution liée aux produits chimiques de toutes sortes, les produits chimiques industriels, les engrais, les pesticides. Les pesticides sont au cœur du problème. Après, il y a les facteurs biologiques, comme l'introduction d'autres espèces. Et enfin, le changement climatique. Pour certains de ces facteurs, on ne peut rien faire. Par exemple, pour le changement climatique, les dégâts sont déjà là. Même si on arrête maintenant, toutes les émissions de CO2, les températures ont déjà augmenté d'un degré environ et ça ne reviendra pas en arrière quoi qu'on fasse. Mais la première cause, la perte d'habitat des insectes, là on peut faire quelque chose. L'agriculture et la pollution allant de pair, on peut changer les choses. On a créé ce problème, maintenant il faut revenir à des modes de production alimentaire plus durables. Quand on y pense, l'humanité a su faire ça pendant des millénaires jusqu'à il y a 30 ou 40 ans. Donc je ne perds pas espoir et je veux que les gens voient cette étude de façon positive. Mais il faut faire quelque chose, s'asseoir, faire ce constat, dire « oh quel dommage » et se lamenter, ça ne sert à rien. Il faut faire quelque chose pour que ça change. En bref, les adieux poignants du mythique robot martien de la NASA Opportunity qui ne donne définitivement plus de nouvelles et qui a été déclaré donc comme hors service. Oui, en 2004, le robot Opportunity avait été lancé par la NASA sur Mars pour une mission de 90 jours seulement. Mercredi, après 15 ans de bons et loyaux services, cette mission a officiellement pris fin. Le contact était perdu depuis le 10 juin 2018 après une tempête de poussière qui a assombri l'atmosphère de Mars pendant plusieurs mois et empêché le rover de recharger ses batteries. Mardi soir, donc, les équipes de la NASA ont tenté un contact de la dernière chance avec le robot, mais en vain. Le bilan d'Opportunity est l'un des plus riches dans l'histoire de l'exploration planétaire. Le robot a parcouru 45,16 km, envoyé sur Terre 217 594 images, toutes consultables sur Internet. Mais il faut surtout rappeler que Hopi, c'est son surnom, a pu prouver grâce à ses instruments de géologie la présence dans le passé d'eau liquide sur Mars. Il ne reste aujourd'hui plus qu'un seul rover qui parcourt Mars. Il s'agit de Curiosity. Et puis en bref, toujours la galaxie Andromède qui va fusionner avec la nôtre, ça c'est toujours sûr, mais c'est un peu plus tard que prévu, Antoine. Oui, vous pouvez dormir sur vos deux oreilles, notre galaxie ne rentrera pas tout de suite en collision avec Andromède. Les chercheurs de l'Agence spatiale européenne ont analysé en 3D les mouvements d'étoiles observés par le satellite Gaïa dans la galaxie d'Andromède et dans la galaxie du Triangle. L'analyse de ces données a permis de montrer que la galaxie du Triangle commence tout juste à se rapprocher d'Andromède et que l'impact entre la Voie lactée et Andromède n'aura finalement lieu que dans 4,5 milliards d'années au lieu des 3,9 milliards d'années estimées jusqu'à présent. Nous voilà donc rassurés, ça nous laisse aussi 1,6 milliard d'années de plus voilà. Pour réécouter l'émission qu'on avait consacrée à Andromède il y a quelques temps. C'est vrai, qui dit que d'ailleurs ce ne sera pas un impact ni de collision, que ça va se passer sans grande modification, très en douceur, on va vous mettre le lien sur le fil Twitter de l'émission @laméthodefc et en bref également la fin d'un rêve peut-être, en tout cas d'un gros porteur chez Airbus. Oui, l'avionneur européen a annoncé hier que faute de commandes, il mettrait fin à la production de l'A380, le poids lourd des airs qui est en vol depuis 2007. Le dernier modèle sera fourni en 2021. Quant aux modèles déjà vendus, ils continueront de voler. Airbus en garantira la maintenance. Deuxième sujet de cette semaine à destination de nos camarades insomniaques. Une nouvelle pas très rassurante puisque le manque de sommeil provoquerait des dégradations de l'ADN. C'est en tout cas ce que met en lumière une étude réalisée à Hong Kong, Antoine. Oui, l'enquête a été menée sur 49 médecins, dont 24 travaillant de nuit. Chez ces derniers, soumis à un manque de sommeil récurrent, des cassures dans les brins d'ADN sont apparues en plus grand nombre. Le docteur Siu Wai Choi de l'université de Hong Kong est la principale responsable de cette étude. Elle nous explique pourquoi ces cassures peuvent avoir un impact important sur la santé et notamment sur l'apparition de maladies chroniques. Basically, we know that lack of sleep is correlated to long-term diseases. On sait globalement que le manque de sommeil est corrélé à des maladies chroniques. De vastes études américaines ont déjà montré que les personnes qui travaillent de nuit sont plus susceptibles d'avoir un cancer ou d'autres maladies chroniques. Donc nous voulions observer et compter les cassures dans les brins d'ADN présents dans les globules blancs des échantillons sanguins prélevés. Usually we would get even healthy people will have strand breaks, but we have enzymes which will repair. Tout le monde a des brins cassés dans son ADN, y compris les personnes en bonne santé. Mais nous sommes dotés d'enzymes qui peuvent réparer ces dégâts, de sorte que rien ne se produit si la réparation est bonne. Nous avons donc testé ces enzymes de réparation chez des personnes qui souffrent d'un manque de sommeil, et nous avons découvert que l'expression de ces enzymes est en fait plus faible que chez des personnes qui ne souffrent pas de manque de sommeil. Donc, en plus d'un taux plus élevé de cassures dans l'ADN, les mécanismes de réparation sont moins efficaces, ce qui peut à terme conduire à l'apparition de maladies chroniques comme des cancers. Maintenant qu'on sait ça, on a un biomarqueur qui est facilement accessible dans le sang et qui peut nous montrer les effets du manque de sommeil. Mais ce qui est plus important maintenant, c'est de trouver les mécanismes qui font qu'un manque de sommeil entraîne un taux plus élevé de cassure dans l'ADN et d'arriver à réparer ce genre de cassure. De l'insomnie à la dépression, il n'y a qu'un pas, et le nombre de personnes souffrant de dépression a augmenté en France ces 20 dernières années. Le nombre total de cas est passé de 8% de la population française en l'an 2000 à 10% en 2018. C'est ce que montre une étude publiée dans la revue La Presse Médicale. De nombreux facteurs sont en cause, comme par exemple une moins bonne qualité de l'alimentation, le manque de sommeil, on y revient, ou encore la diminution de l'activité physique, mais aussi, et c'est une bonne nouvelle quand même, un meilleur dépistage. Le débat est relancé sur l'apparition de la vie complexe sur Terre. Et ce débat est relancé par la découverte des plus vieilles traces fossiles de déplacement. Ces traces, dont parle l'étude parue dans la revue PNAS, datent de 2,1 milliards d'années et ont été retrouvées au Gabon. Il s'agit de structures tubulaires de plusieurs millimètres de diamètre qui, après analyse de leur composition chimique, seraient le fait de structures biologiques. Jusqu'alors, le consensus faisait remonter l'apparition des eucaryotes et donc de la vie complexe à 1,8 milliard d'années, et les plus anciennes traces fossiles de mobilité dataient de 570 millions d'années. Reste maintenant à déterminer à quoi ressemblaient les responsables de ces petites galeries creusées dans la vase. Les chercheurs responsables de l'étude tentent aussi de savoir s'il s'agit de formes de déplacement plus perfectionnées ou bien une expérience interrompue par la baisse drastique du taux d'oxygène dans l'atmosphère intervenue vers 2 milliards d'années. Entre les Oscars, les Césars, les Golden Globes, c'est la saison des prix. C'était également les prix du magazine La Recherche, Antoine. Et les gagnants sont... Nombreux, très nombreux, puisque le magazine remet pas moins de 12 prix chaque année, allant du Grand Prix Technologie au prix Santé, Physique, Neurosciences, Mathématiques et j'en passe. On peut mentionner ici le prix Coup de cœur qui a été remis à Mathieu Giraudot de l'Université d'Arizona pour une étude qui montre que les changements d'environnement dus à l'homme, comme la lumière artificielle ou l'apport de nourriture non adéquate, influenceraient les taux de cancer dans la faune sauvage. L'humanité est donc, elle aussi, cancérigène, et pour les animaux. Voilà, et pour conclure ce journal des bonnes nouvelles, Natacha revient la semaine prochaine, non, pas peut-être. on va conclure par une bonne nouvelle, puisque c'était la Saint-Valentin hier, on a d'ailleurs fait une émission qui parlait du cœur, et pour la Saint-Valentin, rien de tel que d'acheter un parfum pour votre moitié, mais pas tout à fait n'importe quel parfum, oui, Antoine. Du parfum, mais pas de contrebande. Voilà. La police de Londres mettait cette semaine les Londoniens en garde contre toute une gamme de produits de contrefaçon, allant d'objets électroniques risquant de mettre le feu partout, aux sextoys contenant un taux de produits chimiques dépassant les normes, en passant par les cosmétiques et donc les parfums. Après des tests réalisés en laboratoire, la police de Londres a pu mettre en évidence la présence dans certains parfums de contrebande de produits hautement chimiques, comme du cyanure, mais aussi d'urine humaine ou encore de déjection de rats, voire de mort aux rats. Voilà, une fois de plus, la preuve que quand on aime, il faut toujours le dire, avec des fleurs, des vrais, pas en plastique. Oui, ou d'autres choses, des chocolats, ça marche pas de contrefaçon non plus. Merci beaucoup, Antoine Beauchamp. Peut-être un tour de table sur plusieurs choses. Peut-être qu'on peut commencer par nouvelle triste, mais peut-être un peu moins dramatique, moins grave que les autres, sur Opportunity. Olivier, effectivement, parti pour 90 jours, une mission de 15 ans, un gros succès pour la connaissance de Mars, un gros succès de la NASA technique. Oui, et bien un beau record, puisque effectivement, comme Antoine l'a dit et comme vous venez de le mentionner, Nicolas, Hopi était parti pour un laps de temps beaucoup plus réduit que ce qu'il s'est avéré être finalement. Il a crapahuté sur 45 km environ sur la planète Mars. Et il a engrangé quantité de données, la plus importante, la plus importante, je ne sais pas si c'est la plus importante, mais c'est la plus mémorable, c'est lié à la présence d'eau liquide sur Mars. On sait qu'il y a de l'eau à l'état solide sur Mars. Il y a cette superbe photo qui a été diffusée par l'ESA il y a quelques mois où on voit un cratère rempli, ça ressemble à une patinoire, quoi, avec dans un environnement tout rouge. Donc on sait que de la glace existe aujourd'hui, mais de l'eau liquide, sans Hopi, on ne pourrait pas le savoir. Donc effectivement, maintenant, c'est Curiosity qui reprend le flambeau. Il est tout seul sur Mars, vaillant, mais demain, d'autres rovers arrivent sur le terrain martien. Pas pour très longtemps, effectivement. Blaise Mahou, une réaction à un sujet de ce journal, à Hopi ou... Hopi aussi, parce qu'au même moment où on apprenait la mort... De Hopi, Elon Musk nous annonçait, donc le patron de SpaceX, qui envisage d'aller sur Mars et qui nous assure que c'est notre destinée en tant qu'espèce, nous annonçait que le prix du voyage pour aller sur Mars serait bientôt réévalué à la baisse. Ça ne coûtera que 100 000 $, donc une broutille. Voilà. Donc, et je trouvais le grand écart entre l'annonce de l'extraordinaire épopée de Hopi pendant 15 ans, qui fait 45 km, et ce chiffre de 100 000 $, totalement indécente. Voilà. Et je voulais le mettre en parallèle. Oui, surtout partir sur Mars. Pourquoi? Pour combien de temps? Pour y rester? On sait pas trop. Cécile Lestienne. Bon, toujours sur Hopi. Moi, je trouve que Bon, finalement, c'est l'annonce de la mort de Hopi, mais moi, je trouve que c'est quand même une très, très bonne nouvelle. Pas qu'il soit mort, mais qu'il ait survécu aussi longtemps. Se réjouir de la mort de ce petit rover, c'est voilà. Quand même une cruauté sans nom. Quand même, c'est absolument incroyable que finalement, effectivement, il ait survécu aussi longtemps, qu'il ait pu envoyer autant de données aussi longtemps. Et quand même, voilà, ça redonne un petit peu d'espoir dans le génie humain. On fait beaucoup de bêtises, mais on sait faire des choses qui fonctionnent. Olivier. On peut peut-être mentionner, puisqu'on parle de rover, qu'on sait depuis longtemps que la mission ExoMars va lancer elle aussi un rover sur la planète rouge. Mais on a appris cette semaine que ce rover, on voit que pour s'attacher à ces rovers, il faut les nommer, hein, Opportunity devenu Hopi, Curiosity, etc. Et le prochain rover européen va s'appeler Rosalind Franklin. Donc on verra si ça sera Rosalind, si ça sera Franklin, quel sera le nom qui collera le mieux pour en parler dans la vie de tous les jours. Mais c'est un hommage à cette biologiste britannique qui s'est fait quand même spolier ses découvertes. La structure en double brin de l'ADN. Absolument. Ouais. Wilkins, qui lui a piqué ses données, a eu le prix Nobel lié à ses travaux avec l'ADN en compagnie de Crick et Watson. Franklin n'a rien eu. Elle est morte à 37 ans d'un cancer foudroyant. C'est une histoire très triste, mais ce coup de projecteur qui vient de l'Agence spatiale européenne, je trouve qu'il est très bien vu pour montrer la place des femmes en science, qui est un sujet récurrent dans cette émission. Évidemment. Un mot peut-être aussi, Cécile, sur cette étude effectivement assez inquiétante, hein, disons-le, sur les dégâts et les dommages provoqués par le manque de sommeil sur l'ADN. Alors, il faut préciser que ce sont des très petites cohortes, hein, puisqu'elles ont des cohortes particulières, sur des médecins, sur une quarantaine d'individus, donc il ne faut pas aller trop vite en besogne. Les cancers sont des maladies multifactorielles, on peut trouver des corrélations, mais la causalité est toujours plus compliqué. On l'a déjà beaucoup dit dans cette émission, on n'hésite pas à le redire. Un médecin, c'est une maladie stressante, c'est un rythme de vie particulier. Donc, mais néanmoins, on sait aujourd'hui de plus en plus qu'effectivement, le sommeil, ça produit des dégâts à long cours, au long terme. Absolument. Et on a une vraie épidémie de manque de sommeil, hein, parce qu'on estime qu'on a perdu entre 2 et 3 heures de sommeil par nuit depuis le début du XXe siècle. Donc, c'est quand même pas rien. Franchement, pas rien. Et on sait que ça a quand même des répercussions aussi sur des tas de autre chose, parce que quand vous déréglez votre rythme veille-sommeil et que surtout quand vous travaillez la nuit, pas forcément comme médecin, hein, aussi parce que vous êtes en posté la nuit, ça dérègle aussi votre sentiment de satiété, donc vous mangez plus, vous mangez pas aux bonnes heures, enfin bon bref, et donc s'il y a des répercussions sur l'obésité, sur le diabète, enfin ne pas dormir, c'est vraiment pas une bonne idée, mais nos modes de vie actuels ne nous aident pas là-dessus. Un mot également sur cette étude. Alors là aussi, on en a beaucoup parlé. Ça commence à être une accumulation d'études, plus qu'une seule étude, sur le déclin des populations d'insectes. Ça inspire quelqu'un, Lesmao ? Moi, je pensais, en écoutant le sujet, à ces travaux sur la mise au point de petits drones abeilles pour remplacer les abeilles. Je trouve que c'est comme si on avait déjà intégré qu'on n'arriverait pas, en fait, à inverser la courbe. Je trouve que c'est une forme de renoncement, par une innovation technologique, mais qui ressemble à une forme de renoncement à sauver les abeilles. Et je pense que ça va être très compliqué, ça en plus met en avant la question de la chaîne alimentaire et donc de la survie d'autres espèces, en particulier les oiseaux, dont les populations s'effondrent en Europe aussi. Il y avait une étude assez dramatique qui avait été publiée à la rentrée dernière, donc pas beaucoup d'optimisme. Moi, je préfère retenir au contraire cet appel à l'optimisme qui vient du chercheur qui a été cité dans le journal d'Antoine. Le premier signataire de l'étude. Et qui dit, bon, maintenant, il faut se mobiliser et faire des choses. Et on est vendredi, cet après-midi, il y a les collégiens, les lycéens et les étudiants franciliens qui ont prévu de se réunir devant le ministère de la Transition écologique pour dire que, eh ben, ils en avaient marre de cette situation et qu'ils voulaient voir des changements. C'est un lancement, c'est quelque chose qui a été lancé, une grève pour la planète, pour le climat, qui a été lancée par une jeune ado suédoise qui s'appelle Greta Thunberg il y a quelques mois. On l'a entendue à Davos, on l'a entendue pendant la COP24, et cette mobilisation de la jeunesse, c'est quand même quelque chose de très positif. Cécile ? Je suis absolument d'accord. De toute façon, on n'a pas tellement le choix. Il faut miser sur l'optimisme. Et c'est vrai que cette mobilisation des jeunes, et je crois qu'ils ont d'ailleurs prévu de manifester tous les vendredis maintenant. Le 15 mars est la journée mondiale de grève pour le climat. Et n'hésitez pas à aller manifester pour le climat. Pour l'espèce humaine, hein, parce que la planète va s'en sortir. C'est pour nous pour que la ça survie va être compliqué. De l'espèce humaine. Ouais. Et puis un mot pour vous dire que suite à toutes ces nouvelles, effectivement, et à celle de l'augmentation du taux de dépression en France, nous consacrerons une émission sur le lien, et qui sont des liens assez passionnants, entre microbiote intestinal et dépression. Il y a de nouvelles pistes très intéressantes. Ce sera lundi dans 15 jours. Merci Antoine, à la semaine prochaine. Ciao. Allô, gauche, un garçon qui mâche du chewing-gum. À droite, un garçon qui mâche du fluo-gum. À première vue, c'est la même chose, mais ce n'est pas la même chose. Dans fluo-gum, il y a du fluor. Et le fluor, c'est bien pour les dents. C'est ton fluor, fluo-gum. C'est bien pour les dents. En pharmacie. Maximum 6 tablettes par jour. Fluo-gum. Le fluor, c'est bon pour les dents. Est-ce que c'est bon pour le cerveau? C'est peut-être finalement indirectement bon pour le cerveau, ce que cette vieille publicité des années 80 ne dit pas, puisque, attention d'ailleurs, en continuant à écouter cette émission, vous risquez de prêter une attention très particulière et renforcée à votre hygiène bucco-dentaire, puisqu'une étude, je le disais dans l'introduction, assez solide, établit un lien entre la maladie d'Alzheimer et la gingivite. Alors Olivier, on sait, on l'a aussi beaucoup dit ici, que les percées dans le domaine d'Alzheimer sont souvent illusoires ou fragile, que les annonces tonitruantes finissent souvent piteusement par l'arrêt d'essais cliniques inconcluants. On en a reparlé avec Caroline Tourbe il y a 15 jours, 3 semaines dans cette émission. Mais cette fois-ci, il se peut que ce ne soit pas tout à fait la même histoire, cette histoire de gingivite. C'est une bonne nouvelle à laquelle on s'accroche pas parce que c'est simplement une bonne nouvelle, mais aussi parce qu'effectivement il y a des études derrière qui vont dans le sens effectivement d'une démonstration comme quoi il y a un lien entre la présence d'une bactérie buccale et la survenue de neuropathologies qui sont compatibles avec Alzheimer. Alors je parle d'études au pluriel et pas d'une seule étude, parce que ce qui fait éclater l'affaire, c'est un papier qui a été publié dans la revue spécialisée Science Advances il y a peu de temps, qui est une revue qui a été faite par un laboratoire pharmaceutique californien qui s'appelle Cortexim, et qui va dans ce sens, qui dit qu'il y a un lien entre cette bactérie buccale, qui est une bactérie très commune. Qu'on a tous dans la bouche, hein, je veux dire, c'est Porphyromonas gingivalis. Voilà. Oui, elle a un nom tout à fait barbare, mais pourtant elle est extrêmement commune, puisque c'est elle qui est responsable des parodontites, des gingivites, donc des inflammations de la gencive. Alors, qui sont des problèmes, même s'ils sont communs, il ne faut pas les prendre à la légère. Hein, à l'échelle de la planète, on considère que c'est des problèmes de santé publique très importants. Ça peut provoquer des pertes de dents, par exemple. Ça, c'est des choses connues. Mais le lien avec des affections qui touchent le cerveau, c'est la nouveauté. Néanmoins, ce qu'ont vu les chercheurs, c'est que cette bactérie, elle génère une protéine toxique qui s'appelle la gingipaïne. Et cette bactérie toxique, ils en ont trouvé des traces, des agglomérats à l'intérieur du cerveau. Et ils ont mis ça en relation avec un phénomène d'inflammation du cerveau qui s'accompagne par la formation d'amas, là aussi, de protéines qui sont bien connues, qui sont les fameuses, dans la survenue de la maladie d'Alzheimer, qui sont les fameuses bêta-amyloïdes voilà. Et la protéine tau. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on a souvent parlé de l'impasse de la recherche autour d'Alzheimer, et ça fait quelques mois, dizaines de mois, années, qu'il y a des chercheurs qui cherchent à contourner ce problème, c'est-à-dire à sortir des solutions bêta-amyloïde tau, puisque à chaque fois, ça conduit à des impasses. On le disait, je crois que l'année dernière, il y a 8 ou 10 essais cliniques qui se sont arrêtés, c'est-à-dire qu'à chaque fois, on va en phase 1, en phase 2, et ça s'arrête parce que ça ne marche pas. Là, on n'est pas en train de dire qu'on a trouvé le remède miracle, mais c'est en tout cas une nouvelle piste, précisément, qui permet de contourner cette impasse bêta-amyloïde tau. Oui, on a légèrement changé l'oculaire. On regarde ailleurs, on ne dit pas que les protéines amyloïdes et tau ne sont plus importantes, mais finalement on a glissé d'une perception qui consisterait à dire le problème ce sont les protéines, à celui qui dit le problème c'est le phénomène d'inflammation qui est induit par la présence des protéines en question. Qu'est-ce que c'est que cette inflammation? Le cerveau a, selon un processus naturel, la possibilité de générer des anticorps qui vont détruire les pathogènes qui peuvent s'agglomérer à l'intérieur de notre encéphale, qui peuvent venir de quantités de raisons. C'est d'ailleurs les protéines tau elles-mêmes, les protéines amyloïdes et tau, ont la capacité, normalement, de phagocyter en quelque sorte ces pathogènes pour les éliminer. Malheureusement, dans un phénomène d'inflammation, ce dont on se rend compte, c'est qu'il y a une sorte d'emballement. C'est le coup du château de cartes ou des dominos. Il y a un premier domino qui tombe et il y a toute la construction qui s'en va avec. Et là, les protéines qui devraient être en nombre assez contenu, eh bien, elles vont apparaître en cascade et former ces fameux agglomérats à cause de ce phénomène d'inflammation du cerveau. Alors, qu'est-ce qui provoquerait ailleurs que dans la piste des protéines, cette inflammation, c'est par exemple, la piste de cette bactérie buccale, mais il y en a d'autres. On a vu il y a peu de temps, il y a la question du virus de l'herpès, par exemple. On pourra en parler un petit peu après. En tout cas, là, ce qui est suspecté, c'est cette protéine buccale. Si on en parle avec aussi une telle importance aujourd'hui, c'est que des études avant cela avaient ouvert cette voie. Des études sur le modèle murin, sur des souris de laboratoire. Oui, dès l'année 2018, dès l'année dernière, il y avait un papier qui était sorti dans PLOS ONE. En octobre 2018. Oui. Voilà, qui était concentré sur des souris. Ces souris avaient été soumises à la bactérie Porphyromonas gingivalis. Bravo. Et en raison de cela, elles avaient provoqué des pathologies similaires. Ça veut dire quoi? Parce que finalement, Alzheimer, faut le rappeler, c'est une forme de démence et ça provoque des problèmes liés à la mémoire, évidemment, parce que ça attaque d'abord les zones du cerveau qui sont l'hippocampe et qui sont celles qui sont liées à la mémorisation, mais ensuite ça va toucher les zones autres de notre encéphale et ça va provoquer des problèmes au niveau du langage, au niveau de la motricité. Et jusqu'à faire que la personne est complètement ne peut plus complètement dépendante, autonome. Voilà, c'est ça. Et cette étude du mois d'octobre montre précisément que ces gingipaïnes, ces protéines toxiques qui sont un dérivé de Porphyromonas gingivalis, bravo à moi aussi, ça s'accumule précisément au départ dans l'hippocampe. Donc là, on commence à avoir un faisceau de preuves qui se rejoignent. Voilà, on se rapproche quand même de la cible. Et la grande cause d'espoir, la grande raison qu'il y a de se réjouir avec cette étude, c'est que Cortexim, dont on parle pour l'étude actuelle, le laboratoire actuel, dit aussi avoir mis au point une molécule qui s'appelle la Cor388, qui a prouvé justement son effet positif sur les souris. C'est-à-dire qu'il a réussi à inhiber justement les gingipaïnes. Il les inhibe, il fait disparaître les agglomérats de cette protéine à l'intérieur du cerveau et surtout, les souris sont guéries. C'est-à-dire que les problèmes qui sont liés aux pathologies de neurodégénération s'estompent et elles regagnent du terrain. Donc évidemment, on se dit aujourd'hui, est-ce que c'est applicable à l'homme? Et c'est là où il faut faire très attention parce que des molécules qui ont fonctionné sur le modèle murin en phase 1, on en a trouvé un certain nombre et pour des raisons pour le moment qu'on ne comprend pas, quand on passe au modèle humain, ça ne marche plus. Or là, on commence, alors on marche très très très prudemment, les premiers essais cliniques, phase 1, on est en phase 2 et ça donne des signes plutôt encourageants. Alors il y a déjà quelque chose qui est très positif, c'est que cette fameuse molécule, la Cor388, a été testée sur des populations saines. C'est ce qu'on fait au début pour voir s'il y a des effets secondaires qui peuvent être délétères et qui pourraient empêcher qu'on utilise cette molécule sur les malades. Et là, c'est pas le cas. C'est-à-dire, il n'y a pas d'effet secondaire. Donc, effectivement, le laboratoire californien a décidé passer à une deuxième étape sur laquelle ils vont travailler avec des cohortes de personnes qui sont atteintes de façon importante ou plus faiblement par la maladie d'Alzheimer. On passe en phase 2. Ils estiment, d'ailleurs, le laboratoire estime qu'il pourrait peut-être même passer en phase 3 d'ici la fin de l'année, donc très très rapidement. On imagine évidemment, on l'a beaucoup dit ici, les enjeux financiers sont tellement énormes qu'on imagine qu'ils mettent évidemment le paquet. Alors, comme toujours, on va appeler à la grande prudence et de ne pas dire qu'on est en train de pouvoir trouver. Mais enfin, on a l'impression de l'extérieur, avec toutes les précautions nécessaires, qu'on est sur quelque chose. Voilà, qu'on n'a peut-être jamais atteint, en tout cas, ce niveau d'espoir-là. Alors, c'est vrai qu'on a, on prend toutes ces précautions pour en parler. On sait que la maladie d'Alzheimer, elle concerne 900 000 personnes directement en France. 3 millions de personnes si on considère les aidants, les familles, etc. Il y a 225 000 personnes tous les ans en France qui sont touchées par cette maladie. Donc, effectivement, on se garde bien de vouloir donner de faux espoirs. Mais avec cette nouvelle approche, on a voilà, elle apporte la nouvelle approche, déjà la molécule, et on est de plus en plus conscient de toute façon qu'il n'y a pas une maladie d'Alzheimer, mais il y a des Alzheimer au pluriel, si on pouvait mettre un S un nom propre, je ne sais plus si on met des S au nom propre, mais en tout cas, voilà, il y a plusieurs typologies de la maladie d'Alzheimer, et si les essais cliniques dans le passé n'ont pas marché, c'est peut-être aussi parce qu'on a travaillé avec des malades qui n'avaient pas le bon profil. les molécules pouvaient être pertinentes, mais si on va sur des gens... Parce que quand on regarde, par exemple, les cerveaux de personnes qui sont atteintes de la maladie d'Alzheimer, on a parlé de ces fameuses protéines, tau et l'amyloïde. Dans certains cas, on va voir des cerveaux où les agrégats d'amyloïdes sont très importants. Pour une autre personne qui pourtant aura aussi Alzheimer, il n'y en aura presque pas, on aura plutôt la protéine tau. C'est très très compliqué de donner le profil d'un Alzheimer. Cécile Lestienne ? Oui, moi on a été très intéressés pour la science là, par une autre étude qui n'est pas du tout contradictoire, qui à mon avis est même complémentaire, là, qui vient de sortir dans Nature et qui montre que il y aurait un lien aussi entre le débit sanguin, enfin ça on le sait depuis longtemps, qu'il y a un lien entre le débit sanguin et la maladie d'Alzheimer. Mais ils ont essayé de comprendre pourquoi. Et donc ils ont utilisé une nouvelle technique d'imagerie, enfin qu'on n'avait pas utilisée chez les souris. Hein, donc, toujours, dans, voilà. Pareil. Donc c'est la microscopie par excitation à deux photons. Voilà. Et en fait, ça permet de vraiment de mesurer le débit sanguin dans les artérioles et tout ça, mais aussi dans les tout petits capillaires. Et en fait, ils se sont aperçus que c'est que chez les souris, le débit sanguin effectivement diminuait dans les artérioles, etc., mais pas complètement, et que dans les capillaires, ils étaient complètement bouchés. Enfin, il y avait certains capillaires qui étaient complètement bouchés. Pourquoi ? Justement, à cause de globules blancs, les neutrophiles, qui étaient coincés dans les capillaires parce qu'ils se coincent là, voilà. Et c'était visiblement, il y avait un lien là. Et pareil, quand on envoie des anticorps anti-neutrophiles, les souris vont mieux. Enfin, elles récupèrent des capacités cognitives. Donc, c'est assez intéressant parce que si ces neutrophiles sont là, c'est bien parce qu'il y a une inflammation. Donc, d'où vient cette inflammation? Peut-être de toutes ces choses dont tu as parlé, là, Olivier, mais aussi de ce qu'on observe aussi beaucoup aujourd'hui, le diabète, l'obésité, l'hypertension qui amènent des inflammations chroniques, voilà. Et qui seraient probablement liées à la maladie d'Alzheimer. L'une des pistes dont vous nous aviez parlé d'ailleurs ici, de cette inflammation à bas bruit, oui. Dont on imagine qu'elle peut être la source ou en tout cas amplifier un certain nombre de phénomènes. Olivier, peut-être pour conclure, alors est-ce que ça veut dire qu'il faut se laver les dents 15 fois par jour ? Alors non, parce que c'est notamment dit par les auteurs de ce papier. Alors non, et si, il faut se laver, il faut bien se laver les dents. 15 fois, c'est beaucoup. Mais il faut utiliser du fil dentaire. Les brossettes, on ne dira jamais assez l'importance des brossettes interdentaires pour enlever la plaque qui se loge entre les dents, qu'elle n'atteint pas la petite brosse. Même la petite brosse électrique qui tourne, on lui fait la brossette interdentaire. Ben, je ne saurais que dire, qu'ajouter de plus, mais non, ce que disent les auteurs, c'est qu'il faut, ils mettent l'accent sur des traitements médicaux qui nécessitent l'intervention du dentiste. Ils parlent du fameux détartrage. Ils évoquent un détartrage tous les 6 mois, ce qui est quand même, je sais pas qui fait un détartrage tous les 6 mois. Moi. Moi, je non. Je vous assure, moi, je fais mes détartrages tous les 6 mois. Mais bon, moi, alors, il faut le faire. Mais vous avez raison, Nicolas. C'est précisément ce qu'un dentiste. J'ai envie de vous sourire toute ma vie, Nicolas Dentaire. Ce qui explique mon état de démence sénile par certains moments. Non, mais c'est intéressant pour plus sérieusement. Évidemment, donc un détartrage tous les 6 mois, précisément pour, parce que la gingivite, c'est des plaques, ça se loge sous la gencive. Il y a aussi, on attend aussi des études épidémiologiques, parce que on suppose dans ce cas-là qu'il faut établir le lien, puisqu'on a tous cette bactérie dans la bouche. Pourquoi est-ce que certaines personnes développent Alzheimer et pas d'autres? Ce ne sont pas forcément des gens qui ont des inflammations chroniques des gencives. Peut-être oui. Est-ce que c'est lié du coup à l'hygiène bucco-dentaire et au niveau d'hygiène de certains pays? Ça voudrait dire qu'il y aurait plus de démence sénile dans des pays avec moins d'hygiène. Il y a encore beaucoup de questions qui restent en suspens et qu'il va falloir élucider. Olivier. Oui, et puis la cause multifactorielle d'Alzheimer demeure prépondérante. J'ai évoqué tout à l'heure l'hypothèse des virus de l'herpès, parce que il y a d'autres études, il y a une autre étude qui avait fait grand bruit l'année dernière, qui n'a rien à voir avec ce dont on vient de parler, qui a été menée sur des cerveaux post-mortem. Il y a des banques de cerveaux, hein, je crois que c'était dans une banque de cerveaux de Nouvelle-Zélande. Ils ont regardé des cerveaux de personnes qui étaient atteintes d'Alzheimer, ils les comparaient avec des cerveaux de personnes qui sont saines, et ils ont trouvé, dans des proportions très significatives, la présence du virus de l'herpès. Alors pas l'herpès le plus commun, je crois que c'est l'herpès 6 ou 7, celui qui est impliqué dans la roséole infantile. Et ce virus de l'herpès pourrait être aussi une des causes de l'inflammation, de cette fameuse inflammation qui pourrait être à l'origine d'Alzheimer. C'est intéressant parce que qui dit virus dit vaccin. Donc ça ouvre aussi une nouvelle piste très très intéressante. L'aspect multifactoriel d'Alzheimer, c'est prépondérant, et on peut parier son chapeau, j'ai pas de chapeau, mais quand même, que si demain il y a un médicament contre Alzheimer, ce sera pas justement un médicament, mais ce sera un cocktail de médicaments. Et on vous tiendra évidemment au courant, informé, hein, de l'évolution de ces recherches dans le domaine de la maladie d'Alzheimer. A road you made. and my skin starts to creep. You're hovering above my bed, looking down on me. Haunted house sound effects, Dracula tea. Lover boys, last resort. Stars rattle the jaws, the drawing board. Wake up in a ice cold sweat, and my skin starts to creep. You're hovering above my bed, looking down on me. Haunted house sound effects, Dracula tease. Lipstick on my pillow, violet in my sheet. The full moon's glowing yellow, and the floorboards creak. I say hurry, freak. Dracula's Teeth, les dents de Dracula par les Last Shadow Puppets. Dracula qui n'a pas de problème d'Alzheimer puisqu'il est immortel et qui a une hygiène du corps dentaire comme le prouvent les films, toujours très très impeccable. Alors on va passer au deuxième sujet de cette semaine. Si la ville était la meilleure alliée de Darwin, si l'environnement urbain était un accélérateur de l'évolution, plusieurs études tentent à montrer qu'en milieu urbain, la pression de sélection est plus forte, ce qui conduit les espèces végétales et animales à s'adapter génétiquement à très grande vitesse au regard de l'échelle de l'évolution, Cécile. Absolument. Je vais commencer par donner quelques chiffres, parce qu'effectivement, l'urbanisation, tout le monde sait qu'on est en plein processus d'urbanisation, mais je ne suis pas sûre qu'on ait toujours les chiffres en tête. Voilà. Donc, sous Louis XIV, on était 650 millions d'habitants sur toute la planète, à peu près 7% d'urbains. On a passé le cap des 2 milliards au tout début des années 1930 pour... moins de 25% d'urbains. Voilà, aujourd'hui, on est à 7 milliards et demi pour 53% à peu près d'urbains. Et on nous promet pour 2030 d'être à 9 milliards et demi, 2050, et d'être à plus de 60% d'urbains. D'ailleurs, et l'augmentation donc, de la population, on en reparle dans un instant, ce sera voilà. Le troisième sujet de cette série. ça me fascine absolument. Et en plus, il faut bien prendre conscience que les villes ont beaucoup, beaucoup changé. Les villes de Louis XIV, c'est pas toutes les villes d'aujourd'hui qui sont complètement bétonnées, bitumées, éclairées, polluées. Alors ça, c'était déjà vrai avant, mais c'est pas exactement la même pollution. Donc voilà. Et qu'effectivement, là, il se passe quelque chose et que ces villes deviennent absolument énormes. Hein. On dit qu'en 2030, il y aura plus de 600 villes qui auront plus d'un million d'habitants, dont 10% auront entre 5 et 10 millions d'habitants. Enfin, ça devient absolument gigantesque. Et ça, c'est un laboratoire, effectivement, pour l'évolution, en tout cas pour les biologistes de l'évolution, c'est formidable. Parce qu'effectivement, la pression de sélection naturelle dans l'histoire, ça se passe quand même à des échelles de temps relativement longues. Donc, un biologiste ne peut pas espérer le voir de son vivant. Mais maintenant, si. Dans les villes, on voit ça. Voilà. Et là, c'est pour ça que cette fois-ci, on a donné la parole à un biologiste de l'évolution hollandais, Menno Stiethuizen, qui est prof à l'université de Leyde, voilà, et qui nous cite beaucoup d'exemples. Alors, on a beaucoup parlé, c'est une sorte de modèle de la phalène du bouleau à Londres, qui est passée de blanche à noire à cause de la pollution sur les troncs d'arbres. Mais là, et inversement, d'ailleurs. Et inversement, ouais, c'est quand la pollution est redescendue et la phalène est redevenue blanche. Et là, effectivement, il y a plein d'histoires d'espèces que vous allez nous raconter. C'est passionnant. C'est un petit bestiaire urbain qui évolue effectivement très très vite et de manière assez intéressante. Alors, déjà, ce qu'on peut observer dans beaucoup de villes d'Europe du Nord, c'est le faucon pèlerin, voilà, qui a quitté les clochers des villages pour s'installer en ville, dans les gratte-ciels, les immeubles, et qui a changé de proie aussi, qui mangeait des jets, qui mangeait des pigeons. Donc voilà, donc on peut en voir de plus en plus aujourd'hui. Un autre exemple, alors ça c'est une modification du comportement, donc vous vous dites qu'il n'y a pas forcément une modification génétique derrière. On s'est déplacé un petit peu, on est passé de la campagne à la ville pour des raisons pratiques finalement, parce qu'il y a plus de hauteur, puisqu'en fait c'est le mode de chasse du faucon pèlerin. Oui, oui, voilà, et la disponibilité des proies, il y a plein de pigeons dans certaines villes, donc voilà, il y a à manger, voilà. C'est un petit peu comme les grillons qui est arrivé dans le métro de Paris, vous savez, parce que voilà, il fait chaud, ils sont venus du sud, ils sont réfugiés, il faisait chaud. chaud. Et en plus, il y avait plein à manger parce qu'ils mangeaient les mégots. Voilà. Mais comme on a changé les ballasts pour du béton et qu'on a interdit de fumer, ils redisparaissent. Voilà. Mais bon, mais c'est des adaptations. On peut pas dire qu'on observe là vraiment la pression de la sélection naturelle. Mais par exemple, sur des petits escargots nommés, qui sont des escargots très communs, hein, CPA nemoralis, voilà, qui sont, quand vous les voyez à la campagne, ils sont en général plutôt rouge-marron. Voilà. Et aujourd'hui, en ville, ils deviennent plus jaunes, beaucoup jaunes clairs avec des stries noires. Pourquoi? Parce que les villes sont des endroits chaleureux. Mais si. Voilà. À cause de la chaleur humaine, il y a beaucoup d'humains. Il y a petite surface. Voilà. Et aussi, évidemment, parce que la pierre et le béton capturent la chaleur. Et donc, il peut y avoir des différences de température entre un centre-ville et la campagne environnante de plusieurs degrés, hein. Voire 10 degrés dans les grandes villes, hein. Donc, 10 degrés en été, ce qu'on appelle les puits de chaleur, effectivement. Absolument. Voilà. Problème de dissipation. Et donc, et quand vous êtes un escargot et que vous passez l'été sur un mur, comme ça, sous le soleil, dans la chaleur, oui. Voilà, il vaut mieux d'être d'une couleur plus claire parce que pour mieux résister à la chaleur. Donc voilà. Et d'ailleurs, ça, on a pu vraiment le mesurer. Ce sont des amateurs qui ont mesuré ça. Voilà, avec une petite appli SnellShot, j'ai oublié le nom, mais vous le retrouverez sur le site de Pour la Science. Voilà, SnellSnap, voilà, et qui envoyait des photos et on a pu effectivement mesurer qu'il y avait ce type de changement de couleur. Alors là, évidemment, c'est lié à l'ADN. À la autre exemple, les pissenlits. Voilà, c'est le titre végétal, de l'article. Voilà, pissenlits des villes, pissenlits des champs. Voilà. Et donc, les pissenlits, comme vous le savez, ont des graines avec une sorte de petit parachute, voilà, ce qui permet que le vent disperse les graines au loin et pour que la plante se reproduise au mieux. Mais on a observé qu'en ville, les graines ont tendance à devenir plus allongées et plus lourdes pour tomber au pied de la plante. Pourquoi? Parce que si elles s'envolent loin, enfin en ville, il n'y a pas beaucoup d'endroits où elles peuvent pousser, il n'y a pas beaucoup de terre accessible, voilà. Et donc si le vent les disperse, elles vont tomber sur le béton et puis c'est fini. Voilà. Et donc là, du coup, elles tombent au pied, voilà. Et donc, voilà. Et sur d'autres plantes très proches des pissenlits, les crépis de Nîmes, par exemple, d'autres chercheurs de Montpellier, qui est une plante qui lui faisait les deux types de graines, voilà, des graines lourdes et des graines légères, on va dire. Voilà. Et ils se sont aperçus que entre 5 et 12 générations suffisait à changer la proportion de graines en fonction de là où poussait le crépi de Nîmes. C'est quand très, même très peu. Oui, c'est quand même incroyable. Donc voilà. Moi j'aime bien l'histoire parallèle des petites araignées et des papillons de nuit. Oui. Il y a parce que les araignées qui d'habitude sont plutôt des animaux qui aiment l'obscurité, qui tissent leur toile dans le coin, oui. Voilà. Et là, ce sont des araignées que les Larinoides sclopetarius, j'ai du mal, c'est comme les bactéries buccales, voilà, qui sont des araignées nocturnes qu'on trouve en ville, hein, qu'on trouvait déjà en ville, voilà, mais qui se sont visiblement, qui vivent le long des cours d'eau souvent et qui s'installent sous les ponts où il y a de la lumière, voilà, parce qu'en fait elles supportent mieux d'abord la lumière artificielle que la lumière du soleil. Visiblement, elle voulait montrer une arachnologue autrichienne, et aussi parce que ça attire les autres insectes, les autres proies. Voilà, et après, elles peuvent se nourrir. C'est un vrai piège. Un frigidaire, voilà. Exactement. Mmh. Et les papillons de nuit. Tout le monde a observé ça à la campagne. Le soir, vous allumez la lumière, et tous les papillons de nuit vont se cramer sur l'ampoule. Et donc, on se disait, mais voilà, y aurait-il une adaptation ou pas? Parce qu'ils continuent quand même à se cramer sur toutes les ampoules. Voilà. Et un Suisse a fait une petite étude. Il a capturé des chenilles d'un papillon de nuit qui est le grand hyponomeute du fusain. Il en a capturé à la campagne et en ville. Voilà. Et puis il les a marqués. Et quand ils sont devenus des papillons, il les a tous relâchés dans une grande pièce sombre avec un néon. Voilà. Et on s'est quand même aperçu là qu'effectivement les papillons campagnards allaient tous se cramer sur l'ampoule, alors que ceux qui venaient des villes avaient tendance à se préserver mieux, comme s'il y avait eu une sorte d'apprentissage. Ouais. Donc voilà. Et du coup, est-ce qu'on comprend aujourd'hui les mécanismes évolutifs qui font que cette évolution est accélérée à ce point-là, c'est-à-dire sur vraiment très très peu de générations par rapport au cycle? C'est la pression de sélection. La pression de sélection est tellement forte que seuls ceux qui s'adaptent survivent. Voilà. Après, ça ne veut pas dire que c'est une très bonne nouvelle et que tous les animaux vont comme ça s'adapter à la vie urbaine. Effectivement, il y a ces cas-là, y compris des cas très étonnants d'adaptation et des toxiques, des polluants très forts. Des poissons, par exemple, qui tolèrent des taux de PCB 8000 fois supérieurs à la dose mortelle. Oui, ça, c'est quand même... mais par ailleurs, peut-être, enfin, on n'a aucune idée des chiffres, évidemment, mais peut-être que pour une espèce qui s'adapte, vous en avez 10 ou 100, je ne sais pas, qui ne vont pas s'adapter. Hein, donc, où sont passés les moineaux de Paris? Et c'est là qu'on retrouve effectivement les chiffres dont Antoine parlait tout à l'heure, effectivement, de ces masses, toutes ces espèces d'insectes qui disparaissent. Oui, ça me fait penser à une interview qu'on a faite récemment à Uzbek Erika de Nathalie Machon, qui est professeure d'écologie au Muséum d'Histoire Naturelle, et qui nous reparlait de la canicule de 2003. On a aujourd'hui des données assez précises sur les quartiers qui ont été les plus concernés par les victimes de cette canicule. Et en fait, ce sont les quartiers où il y avait la plus faible, voire pas du tout, de biodiversité urbaine, de toitures végétalisées, de parcs. Donc on parlait tout à l'heure des puits de chaleur, on sait qu'il y a un lien voilà, direct dans un moment de crise climatique, d'épisode climatique extrême. Il y a un intérêt vraiment à avoir des quartiers de plus en plus végétalisés et qui attirent aussi voilà, cette diversité, cette faune et cette flore plus diverses. Olivier ? Cécile a cité le nom d'une appli qui avait servi à... Snail Snap. Alors c'est très intéressant parce qu'une étude comme celle-là, ça met vraiment, ça pose le doigt sur la question de la science participative. Où on voit que maintenant, chacun avec son téléphone portable, s'il a la bonne appli et s'il est dans le réseau avec, je sais pas, le Muséum National d'Histoire Naturelle, ou il y a plein d'institutions maintenant qui lancent des appels à participer à des campagnes de recensement sur la biodiversité et chacun peut amener sa petite pierre à l'édifice scientifique. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Et à 16h45 sur France Culture, le dernier sujet de cette table ronde consacrée à l'actualité des sciences et de la recherche. Eh bien, on en parlait à l'instant, c'est une sorte de corollaire à ces études sur le changement évolutif des espèces animales et végétales en ville. C'est précisément la surpopulation, hein, puisque c'est l'un des périls majeurs qui menacent notre planète. Derrière le bouleversement climatique, derrière l'effondrement de la biodiversité, derrière la pollution plastique et j'en passe, la surpopulation, c'est parce que nous sommes trop nombreux et toujours de plus en plus nombreux que nos modes de vie rendent la planète aujourd'hui exsangue, hein, bientôt 8 milliards comme le disait Cécile à l'instant, et selon les projections de l'ONU jusqu'à 10 milliards, peut-être 11 ou 12 milliards sur Terre après 2100. Alors comment la planète va-t-elle supporter autant d'êtres humains à sa surface? Eh bien, peut-être qu'elle le supportera parce que ce ne sera pas le cas. Peut-être que ces projections sont fausses. C'est ce que suggèrent plusieurs études, Blaise Mao, qui parle même de déclin démographique. Exactement. En fait, il y a deux journalistes canadiens, John Ibbitson et Darrell Bricker, qui ont publié un livre début février, le 5 février, qui s'appelle « Empty Planet », donc « Planète vide ». Ils se sont intéressés aux critères de l'ONU pour travailler sur ces projections démographiques. Alors qu'est-ce qu'ils disent ces critères de l'ONU? Alors il y a trois critères. L'ONU prend en compte évidemment le taux de natalité, les décès et les migrations. Il y a trois critères qui sont pris en compte. Et en fait l'ONU ne prend pas en compte le niveau de scolarisation des femmes et le degré d'urbanisation des villes et des pays, on en parlait à l'instant, qui sont en fait... deux critères essentiels pour pouvoir prendre en compte la big picture, on va dire, le grand sujet, de façon complète. Voilà, exactement. Alors, ils ont mené une enquête dans 26 pays, de l'Inde au Brésil, à Belgique, en passant par le Kenya. Ils ont interrogé différents démographes. Ils ont aussi travaillé à interroger sur le terrain, faire une enquête auprès de femmes de différents milieux sociaux. Et leur conclusion, c'est que donc la population de la planète va en fait plafonner autour de 9 milliards. Donc, ils ne nie pas ce chiffre de 9 milliards qu'on brandit tout le temps, 9 milliards en 2050. Il le confirme, mais à partir de 2050, donc dans 30 ans à peine. Demain, oui. Voilà, on atteint un plafond et ça commence à décliner. Donc entre 2040, 2060, ça décline. Et d'après eux, d'ici la fin du siècle, on sera de retour à des chiffres actuels autour de 5, 6 milliards, même un peu en dessous peut-être. Pourquoi ils arrivent à cette conclusion? Peut-être là où les projections de l'ONU nous donnent quoi? Les projections de l'ONU nous donnent 9 milliards 2050, 11 milliards 2100. Et ils se basent en fait sur un taux de naissance en Afrique qui serait toujours très élevé. Or en fait... 2 milliards et demi de personnes hein, en Afrique. Ouais. Voilà. Ça va plus vite que prévu et le niveau de scolarisation va plus vite que prévu. L'urbanisation va beaucoup plus vite que prévu. Si on inclut l'éducation des filles dans l'équation, les humains ne devraient être que 8 milliards maximum en 2100 d'après les chercheurs et plus sûrement autour de 6-7 milliards. Il y a aussi un chiffre à prendre en compte qui est celui de la baisse de la fertilité masculine, phénomène préoccupant. Une étude tout à fait sérieuse de 2017 de l'université hébraïque de Jérusalem. On ne parle que d'études sérieuses dans la méthode scientifique, voyons. Mais il faut toujours le dire quand même. C'est que la production de sperme a chuté de 50% en 40 ans en Europe, aux États-Unis, en Australie. Donc, et la tendance n'est pas à une amélioration. Donc ça, c'est un élément de contexte important. Ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, on voit, et ça c'est tout à fait documenté, c'est qu'effectivement, avec le taux d'éducation, le niveau d'enfant par femme se stabilise autour de 2. Voilà. Et effectivement, je trouve ça intéressant parce que les auteurs de l'étude accusent l'ONU en fait d'une sorte de vision qu'ils appellent sinistre de l'Afrique en disant c'est comme si le niveau de vie n'allait pas augmenter, le niveau d'éducation n'allait pas augmenter. Donc ils sont plus optimistes. Hein, ils insistent sur ce point. 2 enfants par femme, c'est le seuil de renouvellement générationnel. C'est un chiffre qui est vraiment important. Souvent, on dit on n'atteint pas 2 enfants par femme, on est en dessous du seuil de renouvellement. Nous, on avait fait un dossier avec Uzbekirika il y a quelques années. On avait étiré les projections à l'échelle mondiale. On se rendait compte que l'humanité pouvait disparaître en 2400. Bon, c'était un simple calcul, mais à rythme de constant, il n'y avait plus d'humains sur Terre en 2400. Et là, ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont interviewé en particulier un démographe qui s'appelle Wolfgang Lutz, un Autrichien, qui dit « L'organe reproducteur humain le plus important, c'est l'esprit. » Et en fait, si vous changez la vision qu'ont les gens de la reproduction, vous changez tout. Nos imaginaires, depuis Malthus, nourris par des dizaines et des dizaines de films de science-fiction, de séries catastrophes, c'est une humanité grouillante, des meutes de gens affolés, apeurés, qui restent sur Terre alors qu'une élite part dans l'espace. Et on est envahi de ces imaginaires. Si on change ces imaginaires-là, et des pays, ça va très vite, hein. Au Maroc, on est, je crois, à 2 enfants et demi. En Turquie, on est à 2,1 enfants par femme. Ça va très très vite. Leur thèse prend du poids et très vite, ça va concerner des pays, comme le Brésil, comme l'Indonésie. Aujourd'hui, il y a 12 pays. Y compris l'Inde. Ouais. Voilà, y compris l'Inde. Mmh. L'Inde, ça va commencer bientôt. Aujourd'hui, il y a 12 pays qui sont vraiment dans une situation de déclin rapide. On parle souvent de la Russie, du Japon. Ce chiffre de 12, d'après les chercheurs, va être multiplié au moins par 3 en 2050. Cécile ? Il y a déjà la moitié de la population humaine qui vit dans un pays où il y a moins de 2 enfants par femme. Donc on est quand même dans cette tendance-là, hein. C'est absolument certain. Et les projections dans les années 70, dans mon souvenir, c'était 15 milliards d'habitants au milieu du siècle. Parce qu'on n'avait pas pris en compte le fait que dans les pays qu'on appelait du tiers-monde à l'époque, la transition démographique serait beaucoup plus rapide qu'elle ne l'a été chez nous. Donc effectivement, oui, je crois que c'est des chiffres qui sont... Les projections jusqu'à 2050 sont très solides parce qu'en fait, les humains qui sont aujourd'hui susceptibles de faire les enfants dans les 30 années qui viennent sont déjà là. Mmh. On sait qui ils sont et grosso modo, à peu près quand même combien d'enfants ils vont faire. Et après, effectivement, rentrent en jeu toutes ces questions d'éducation, d'urbanisation. Et du coup, on peut se dire, compte tenu de ce qu'on dit régulièrement quand on parle d'environnement et d'impact de la surpopulation sur l'écosystème planétaire en règle générale, que c'est plutôt une bonne nouvelle qu'on n'aille pas surpeupler la planète à ce point-là. Mais en fait, Lesmao, ce que montre votre article, c'est que c'est pas si simple que ça. Oui, Sophie Closdy, la journaliste qui a enquêté sur le sujet, souligne qu'en fait, a priori, c'est une bonne nouvelle d'un point de vue pour la planète, mais il y a la question du vieillissement, en fait, qui va devenir problématique. Elle l'est déjà en Chine, elle va le devenir à l'échelle mondiale, c'est-à-dire les actifs va peser sur les actifs la question des frais d'assurance, des frais de santé, des frais de retraite d'une population vieillissante à l'échelle mondiale. Ça va être un problème systémique qu'il va falloir régler. Et puis, il y a une équation, souvent on met l'accent sur le nombre d'humains sur Terre, mais en fait, le vrai problème, c'est en fait la nécessaire baisse du niveau de consommation par individu. Les modes de consommation, bien sûr. Voilà, absolument, parce que tous les pays n'ont pas la même empreinte sur la planète. Donc ça, il suffit pas d'avoir moins d'humains sur Terre. Il faut surtout que chaque humain consomme moins, et en particulier dans les pays les plus développés. Vous aviez dans un autre article à l'époque de la sortie du dernier film de super-héros de Marvel, Les Avengers, vous aviez parlé du pari de Thanos. Parce que, alors attention, si vous n'avez pas vu le film, que vous aimez les films de super-héros, coupez votre radio 15 secondes. Puisque à la fin du film, le méchant fait un pari. Attention, spoiler, maintenant, je l'aurais dit suffisamment, c'est maintenant que je vais spoiler la fin d'Avengers 2. Maintenant, Donc à la fin du film, il supprime la moitié de l'humanité. Voilà. Et on se dit, ah ben c'est parce qu'il veut sauver, pas que l'humanité, de toute la population de toute la galaxie, en disant, pour que les gens survivent, il faut supprimer une personne sur deux aléatoirement. Mais les calculs démographes disent, c'est pas du tout comme ça que ça marche. Voilà. C'est ce qu'on appelle l'équation IPAT, IPAT. Mmh. En fait, il faut prendre tous les ensembles de l'équation. Supprimer la moitié de l'humanité, c'est une réponse simple, voire simpliste, à un problème extrêmement complexe. Et il faut aussi évidemment prendre en compte le niveau de consommation par individu, qui n'est pas du tout le même entre les États-Unis et l'Éthiopie, par exemple. Et finalement, vous montrez que pour que ça ait un impact réel, en fait, c'est pas la moitié de l'humanité qu'il faudrait supprimer, c'est quasiment 99%. Oui. C'est très encourageant, finalement. Cécile. Oui, je crois que ce qui va se passer, qui est intéressant à observer, hein, on va rebattre les cartes démographiques. C'est-à-dire le poids respectif des habitants sur la planète va vraiment beaucoup changer. L'Europe, en 1900, c'était 25% de la population mondiale. D'accord ? Aujourd'hui, c'est 10%, 2057. Voilà. L'Amérique, c'est censé rester à peu près constant, mais effectivement en Asie et surtout en Afrique, les cartes vont être rebattues. Et même si je suis d'accord, il semble qu'ils vont faire moins d'enfants, il se pourrait quand même que dans 100 ans, il y ait un homme sur trois soit africain. Ça, pourquoi c'est, pas c'est avéré même. Ouais. Des pays comme le Nigeria ou comme le Ghana. Et du coup, voilà, on ferait mieux d'avoir ça en tête plutôt que de construire des murs. Mais bon, c'est personnel. Pour conclure, puisque nous arrivons au terme de cette émission, comme d'habitude, par un petit tour de table rapide sur des choses, des éléments, des informations scientifiques dont nous n'aurions pas parlé et sur lesquelles vous voulez alerter nos auditeurs, Cécile ? Oui, là, c'est pas une information scientifique à proprement parler, mais l'anniversaire de l'homme sur la Lune a donné l'occasion aux musées nationaux de faire une grande exposition au Grand Palais, là, qui va ouvrir le 3 avril sur la Lune, justement. Du voyage réel au voyage imaginaire et qui va mêler des premières représentations scientifiques de la Lune, des premiers dessins scientifiques de la Lune et plein d'œuvres inspirées par les mythes de la Lune. Ça va être assez joli, je pense. Blaise Mao. Eh bien, le 19 février, donc mardi, journée mondiale des mammifères marins, qui sont les cétacés, les premières victimes de la pollution sonore des océans, dont on parle assez peu. Nous, on va travailler sur ce sujet la semaine prochaine. Vous retrouverez des articles en ligne sur le site du Sbekerica. Les activités humaines, à la surface et en profondeur, ont un impact sur les baleines, sur les cachalots. Et cette journée mondiale des mammifères marins n'a rien à voir avec le fait que ce sera également mardi 19 février, le prochain forum France Culture l'année vue par les savoirs. Vous pouvez voir des mammifères humains, qui sont des producteurs de France Culture. On va parler du nouvel âge de la politique. Il y aura Adèle Vendrette, Emmanuel Laurentin, Tiffaine de Roquigny et moi-même. Vous pouvez vous inscrire. On va parler donc, pour ce qui nous concerne, ce sera de 11h à midi, de la question du lien entre les algorithmes et la démocratie. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Est-ce que le numérique peut ressourcer la démocratie? On en parlera avec Jean-Gabriel Ganassia, Benjamin Bayard et Axel Lemaire. Voilà, vous pouvez vous inscrire, on va vous mettre le lien vers le site maisondelaradio.fr, c'est gratuit, mais il faut s'inscrire. Olivier Lascar, un dernier mot, peut-être rapidement. Oui, moi j'invite les auditeurs à suivre les aventures d'une bande de scientifiques alpinistes qui se sont lancés dans l'expédition 5300 dans la ville la plus haute du monde, c'est au Pérou. Ça s'appelle la Rinconada et c'est une ville dans laquelle évidemment il y a très peu d'oxygène et ils racontent leurs aventures dans des carnets de voyage sur le site de Science et Avenir. Et on en parlait la semaine dernière dans le Journal des Sciences. À la une de Science et Avenir justement du mois de février, Olivier. Aliments et cancer avec les conclusions de la plus grande étude internationale sur cette question. À la une de Pour la Science, Cécile. Tableau périodique, la course aux éléments super lourds. On en reparlera d'ailleurs dans 15 jours dans la méthode scientifique et Ouzbek Eric et Ablaise. C'est les 30 ans du web, donc on s'est posé la question, quel web dans 30 ans, 10 questions et 10 explorations du futur. Merci beaucoup à tous les trois, merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, avec Étienne Antoine Beauchamp, Némine Guetzin, Ville France, Edine Lezen et Léonore Pérez, Olivier Bétard à la réalisation, Emmanuel Morse d'un camp à la technique. Dans les prochains épisodes de la méthode scientifique, lundi, nous parlerons de micro-paléontologie. Comment fait-on de la paléontologie quand il n'y a encore que des tout petits squelettes? C'est très compliqué. Mardi, nous parlerons des effets de la surpêche. Mercredi, des nouvelles stratégies de lutte contre l'antibiorésistance. Jeudi, nous vous raconterons l'histoire du projet Manhattan. Et vendredi, ce sera donc la diffusion du forum enregistré mardi prochain sur la démocratie et les algorithmes. Rendez-vous demain à 16h pour la science, toujours sur France Culture, avec le camarade Étienne Klein dans la conversation scientifique, dont on se retrouve lundi à 16h. Jusqu'à preuve du contraire.